La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, lauréat de la médaille Fields en 1966 pour ses travaux sur la géométrie algébrique, écologiste radical, mystique et ermite. Alexandre Grothendieck est mort à l'automne 2014 à La Serre, un petit village de l'Ariège où il avait choisi de vivre en solitaire. D'une très grande productivité, Grothendieck a laissé derrière lui des dizaines de milliers de pages de travaux et de notes. Une partie de ses archives se trouve à l'université de Montpellier où Grothendieck avait enseigné. L'autre partie, plus de 70 000 pages dort actuellement dans la cave d'un libraire à Paris sans que personne pour le moment n'arrive à en estimer la valeur. Qui était Alexandre Grothendieck? Quelle peut être justement la valeur de ces milliers de pages d'archives? C'est ce que nous allons voir avec mes invités dans un instant et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé d'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une étude importante aujourd'hui sur les grandes structures de l'univers à la une de la science. Oui Mathieu, pour la première fois, une équipe a réussi à détecter le signal émis par le réseau cosmique. Ce sont les longs filaments de gaz qui relient les amas de galaxies entre eux. On vous explique dans un instant l'importance de la découverte. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les mystérieuses archives du mathématicien Alexandre Grothendieck cet après-midi, donc dans la tête au carré avec mes invités, le mathématicien et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences Étienne Gys et le journaliste Philippe Douroux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Philippe Douroux, il y a un mois, vous avez signé dans Le Monde un long article sur ces archives de Grothendieck, dans lequel on apprend que 70 000 pages se trouvent actuellement dans une cave d'une librairie parisienne, sans qu'on puisse vraiment évaluer leur valeur. Trésor scientifique ou vieux papier illisible, pour vous citer. Vous posiez la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'heure où nous nous parlons? Et nous sommes au point mort. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, elles sont toujours dans la cave. Il faut toujours donner une valeur à ces archives et il faut leur trouver une destination. Étienne Gys, Grothendieck est décédé donc en 2014. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui d'abord en tant que mathématicien? Parce qu'on va rebrosser son portrait ensemble tout à l'heure pour se rappeler qui il était. Bien, il a laissé une œuvre considérable. Et ce sur quoi je voudrais insister tout de suite, c'est que, bien entendu, ces manuscrits qui sont dans cette cave sont peut-être importants. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'il a publié. Et il a publié énormément dans des revues qui sont bien comprises, bien étudiées. Et l'œuvre de Grothendieck n'est certainement pas confidentielle. Et donc ces archives, ça vous semble important de pouvoir les découvrir, les lire attentivement, évaluer la qualité? Mon sentiment personnel, c'est que ces archives sont probablement très intéressantes. Mais plus d'un point de vue historique ou d'un point de vue culturel ou d'un point de vue psychologique pour comprendre comment la création a pu se passer, dans quel processus toutes ces choses se sont passées progressivement. Maintenant, d'un point de vue purement mathématique, je les ai pas vus, donc je peux pas vous dire. Hein. Mais le plus important, selon vous, aurait été publié déjà? Il me semble que le travail de Grothendieck a été publié largement. Il y a certainement des pépites encore dans ces pages, mais je serais quand même surpris qu'il y ait des choses fondamentales. Philippe Douroux, quel est votre sentiment vous, D'un point de vue mathématique, moi j'ai assez peu de sentiments. Je pose la question à des mathématiciens et la réponse est systématiquement « Écoute, il n'y a probablement rien. » Et si on insiste un peu, évidemment, on vous dit « C'est du Grothendieck. » Donc il faut regarder. Il n'a jamais créé tout seul, il a travaillé tout seul, mais il a eu une armée de mathématiciens autour de lui pour publier. Est-ce qu'il a pu mener et aller plus loin tout seul? Probablement non, mais regardons. Ça veut dire quoi, c'est du Grothendieck alors? Qu'est-ce qu'il faut c'est entendre C'est du Grothendieck, ça veut dire qu'il a beaucoup surpris par son intuition, ses intuitions et sa puissance de travail. Les deux sont liés et il a surpris, parfois il a bousculé l'école française de mathématiques. Le groupe Bourbaki avait mis 400 pages qui étaient prêtes à publier à la poubelle parce qu'il a estimé qu'il fallait prendre les choses autrement. Donc il est très très surprenant. Allez, on va en parler dans un instant évidemment et puis vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Allez, des mathématiques à l'astrophysique, Axel, on parle d'une détection importante justement dans ce domaine réalisée par un instrument européen et c'est aujourd'hui la une de la science. Oui Mathieu, le radiotélescope L'OFAR vient pour la première fois de mesurer un flux magnétique reliant deux amas de galaxies. Imaginez un peu de quoi nous allons parler ici. Des dizaines de milliers de galaxies d'un côté, qui forment l'amas Abel 3339, et à 10 millions d'années-lumière de là, un autre amas, Abel 401. Aujourd'hui, des chercheurs montrent qu'entre ces deux monstres cosmiques, il existe une connexion, un fin filament de matière, et que nous sommes capables de le détecter. Chiara Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Côte d'Azur et directrice du SKA France. C'est un consortium international dont le CNRS fait partie pour les recherches en ondes radio. Et vous êtes co-auteur de cette découverte dans la revue Science. Alors comment est-ce qu'il faut se les imaginer, ces câbles cosmiques, ces filaments que vous venez de détecter et qui parcourent des dizaines de millions d'années-lumière dans l'univers ? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité de parler de, effectivement, ces objets énormes dans l'univers. Alors, les simulations numériques qui ont été conçues pour reproduire la formation de tout ce qu'on observe dans l'univers nous montrent que, au fur et à mesure que les objets de l'univers se sont formés, ils se sont disposés le long de structures filamenteuses qui contiennent la matière de l'univers. Cette matière étant de nature connue, et en ce cas on l'appelle matière baryonique, et inconnue, et en ce cas on l'appelle matière noire. Et tout autour de ces structures filamenteuses, on trouve des vides cosmiques. La chercheuse vous, qui s'appelle Frederica Govoni, elle parle d'aurore boréale à l'échelle cosmique. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'image que ça renvoie ? Oui, c'était une façon, on a beaucoup discuté sur comment rendre clair pour le grand public de quoi il s'agissait. En effet, il s'agit effectivement de la coprésence, de la présence contemporaine de particules relativistes, donc en ce cas d'électrons libres et qui bougent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, avec des champs magnétiques. Et le fait combiné de ces électrons qui tournent autour de lignes de champs magnétiques engendre de l'émission radio qu'on appelle synchrotron, et c'est ce qu'on a détecté. Et donc on a utilisé cette, même s'il ne s'agit pas vraiment du même phénomène exactement des aurores boréales, mais on a utilisé ce mot pour rappeler à l'esprit des gens la présence de particules relativistes et de champs magnétiques dans ces énormes régions du ciel. Alors quelle est la différence entre un électron relativiste et un électron classique ? Alors, dans le cas d'un électron relativiste, il s'agit d'abord d'une particule libre, donc qui ne se trouve pas à l'intérieur d'un atome, et qui en plus, elle bouge, comme je vous disais, à des vitesses très très très élevées, des vitesses vraiment proches de la vitesse de la lumière. Et ceci peut avoir lieu dans le cas en particulier des énormes structures que nous avons détectées, à cause de l'accélération par des mécanismes qui sont des ondes de choc, ou des turbulences qui se créent à l'intérieur du gaz qui se trouve à l'intérieur de ces filaments. Et ces phénomènes physiques sont capables d'accélérer les électrons. Ce que je dis assez souvent, même à mes étudiants, c'est le plus grand accélérateur de particules de notre univers, ces grandes structures. Dans le cas des électrons, bon, on peut trouver les électrons sous différentes formes, bien sûr à l'intérieur des atomes. En tout cas, ils sont liés à l'atome. Où on peut trouver des électrons libres, même si pas relativistes, dans le cas du gaz ionisé. Et donc en particulier, dans ces grandes structures de l'univers, nous ne détectons pas que des électrons relativistes, mais au contraire, la plupart des électrons que nous détectons, en rayon X en particulier, sont des électrons ionisés qui bougent à des vitesses moins élevées et qui émettent pour un phénomène qui s'appelle Bremsstrahlung thermique et qui émet en particulier dans ces grandes régions un rayonnement X. Oui. Chiara Ferrari, comment est-ce que vous avez visé avec ce télescope LOFAR pour voir ce lien qui est très fin à l'échelle de distance qui sépare ces deux amas de galaxies ? Comment est-ce que vous avez guidé votre pointeur ? Alors, nous avons détecté d'abord ces deux amas déjà au travers d'autres types d'observations. Donc le groupe de Federica Govoni à l'Université de Cagliari avait déjà détecté que les deux amas, Abel 399 et Abel 401, contenaient chacun des énormes sources d'émissions radio indiquant à l'intérieur de l'amas, entre les milliers de galaxies de l'amas, des champs magnétiques et des particules relativistes. Donc les deux amas, c'est un cas unique, contenaient les deux cette énorme émission radio à leur intérieur. Successivement, le satellite Planck a indiqué que ces deux amas sont connectés par du gaz extrêmement peu dense, le gaz dont je vous disais tout à l'heure, qui peut émettre un rayon X, mais qui peut aussi être détecté parce qu'il interagit avec la radiation du fond diffus cosmologique qui est détectée par Planck. Donc on s'est dit, si ces deux amas sont des forts émetteurs en radio, et si entre ces deux amas, on trouve des champs magnétiques, on peut les détecter en radio. Ouais. Donc c'était un essai pour voir si effectivement dans ces énormes régions entre les amas des galaxies, il y a des champs magnétiques, et ces observations l'ont bien montré, il y a des champs magnétiques extrêmement faibles, mais qui peuvent illuminer les filaments cosmiques en radio. Alors s'il existe comme ça des filaments cosmiques entre les grands groupements de galaxies dans l'univers, ça veut dire que ce que nous imaginons vide ne l'est pas. Quelle proportion de la matière totale de l'univers se trouve dans ces fils du coup ? Alors, ça c'est une question très intéressante parce que c'est lié à une des questions modernes de l'astrophysique et de la cosmologie moderne. Encore une fois, les simulations numériques nous indiquent qu'une fraction importante de la matière dans la matière baryonique, donc la matière ordinaire, est non détectée. Plus de la moitié de la matière ordinaire est non détectée et elle serait dans les filaments cosmiques sous forme de gaz tiède. Attention, parce que tiède dans l'univers, dans ces structures, veut dire environ 10 000 jusqu'à 10 millions de degrés Kelvin, qui peut être détecté soit en rayon X, soit en radio, comme je viens de vous le dire. Donc, ce type d'observation peuvent nous permettre de illuminer, donc de détecter, de découvrir cette matière ordinaire qu'on sait qui devrait être là, mais qu'on n'arrive pas encore à observer directement, ou qu'on observe le tip of the iceberg en anglais, et qu'on commence à pouvoir observer. Donc ça a un impact très important sur les études cosmologiques aussi. Oui, ça veut dire qu'on va continuer de les étudier, ces filaments, parce qu'on a des réponses à les y trouver. Exactement. Donc on va les chercher avec les différents instruments. Comme vous avez pu comprendre, on a besoin de différents types d'instruments qui observent le ciel à toutes les longueurs d'onde de la radiation électromagnétique. Et en particulier en radio, nous avons parlé de l'OFAR, qui est un énorme radiotélescope de 25 000 antennes réparties en 51 endroits en Europe. Et notre espoir, c'est qu'avec le Square Kilometer Array, qui est le plus grand instrument radio basse et moyenne fréquence du futur, on pourra vraiment voir ces filaments s'illuminer et pouvoir être détectés. Pour donner un ordre de grandeur, SCA aura environ 130 000 antennes du même type de LOFAR réparties sur 512 stations. Donc c'est un ordre de facteur 10, un ordre de grandeur 10, pardon, de plus en termes de stations et d'antennes à disposition des astronomes. Chiara Ferrari, est-ce qu'il faut imaginer que ces amas de galaxies interagissent les uns avec les autres via ces filaments, justement, qu'on pourrait presque imaginer comme des voies de communication ? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on peut espérer de détecter en radio ce type de structure, parce que les amas de galaxies sont en coalescence, c'est-à-dire ils s'attirent l'un vers l'autre. Parfois on parle de cannibalisme parce qu'il y a des gros amas qui mangent des amas plus petits. Mm-hmm. Parfois on parle tout simplement de coalescence. Et donc deux amas rentrent l'un dans l'autre et forment un amas plus massif. Et les chocs et les turbulences qui peuvent accélérer les électrons dont je vous parlais tout à l'heure sont très probablement liés à ce phénomène de coalescence entre amas. Fascinant en tous les cas. Merci beaucoup pour ces explications. Chiara Ferrari, vous étiez en ligne depuis l'Italie, vous êtes actuellement. Merci beaucoup à vous. Et puis Axel, on se retrouvera demain pour une nouvelle Une de la Science. Merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les astronomes vont vous demander de l'aide pour trouver un nom à la planète HD 8574b pour célébrer son 100e anniversaire. L'Union Astronomique Internationale invite justement tous les pays à baptiser officiellement des centaines d'exoplanètes lointaines. Et les Français, justement, ont hérité de cette étoile HD 8574 et de sa planète qui se trouve dans la constellation du Poisson à 144 années-lumière de nous. Les noms doivent faire référence à des choses, des personnes ou des lieux qui ont une importance géographique, historique ou culturelle, précise l'agence. Les votes sont ouverts sur le site de l'UAI et les résultats seront annoncés en décembre. Si vous êtes stressé, votre chien l'est sûrement aussi. Des chercheurs de l'université de Linköping en Suède déclarent que c'est la première fois qu'ils détectent une synchronisation sur le long terme des niveaux de stress entre humains et animaux. Et pour cette étude, ils ont mesuré les taux de cortisol, appelé aussi l'hormone du stress, chez 25 border collies et 33 bergers allemands ainsi que leurs propriétaires pendant un an. Et ils remarquent que plus le temps passé entre entre le chien et le maître est grand, plus la synchronisation du stress est importante. Et puis pour terminer, Google met au point une intelligence artificielle capable de détecter les cancers du poumon avec plus de précision que les radiologues. Pour identifier les tumeurs, les radiologues observent des imageries médicales, le plus souvent des scanners, qu'ils complètent d'une biopsie. Et pour gagner en précision et en rapidité, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour le traitement de ces images. Google a donc annoncé avoir mis au point un logiciel capable de reconnaître les tumeurs dans le cas précis du cancer du poumon, avec plus d'efficacité que les médecins eux-mêmes, des résultats publiés dans la revue Nature. Allez, on parle du mathématicien Alexandre Grothendieck et de ses archives dans un instant. Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai. Bien, je t'emmène, et c'était bien sûr France Gall. La tête au carré, Mathieu Vidard. Alors, donc, depuis un an ou deux, je me pose des questions. Je me les pose pas seulement à moi-même, je les pose aussi à des collègues. Et tout particulièrement depuis plusieurs mois, 6 mois peut-être, je prends toute occasion de rencontrer des scientifiques, que ce soit dans des discussions publiques comme celle-ci, ou en privé, pour soulever ces questions. En particulier, pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique? Une question qui est pratiquement la même, peut-être à longue échéance du moins, que la question « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et la chose extraordinaire, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, Simplement, cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'envisager. En tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse, quelle qu'elle soit. Voilà, à l'instant, la voix du mathématicien Alexandre Grothendieck. C'était le 27 janvier 1972 au CERN à Genève. Archive extrêmement rare, puisque visiblement, Étienne Gys, c'est à peu près la seule qui existe de sa voix. C'est assez étonnant. Hein. Pour vous dire la vérité, je trouve ça assez émouvant. Parce que moi, qui n'ai jamais eu l'occasion de voir Grothendieck, l'entendre a été une expérience assez, oui, je crois, on peut dire émouvante. Oui. En particulier, je suis frappé par le fait qu'il a ce petit accent allemand, alors que bien sûr, il est né en Allemagne, sa langue maternelle était l'allemand. Mais il est arrivé très tôt en France. Il est arrivé tôt en France et il a fait toute son œuvre en français. Donc ça m'a un peu étonné. Et récemment, je parlais avec un collègue qui me disait que sa vraie langue, c'était l'allemand. Ouais. Philippe Dourouf, il écrivait d'ailleurs en allemand beaucoup. Oui, il écrivait. Hein, ouais, il était capable d'écrire en allemand. Il écrit essentiellement en français, en anglais et en allemand. Mais il est arrivé en France à 11 ans. Donc effectivement, jusqu'à 11 ans, l'allemand est sa langue unique. Je ne sais pas s'il parlait russe avec son père, je ne sais pas. Il y a plus qu'un accent finalement dans ses doigts, moi je trouve. Hein. Il y a aussi une façon de dire les choses qui est tout à fait étonnante. Oui, il y a une espèce de côté très incisif et on est un peu... On écoute cet accent qui nous surprend beaucoup. Ouais. Je sais pas, c'est très émouvant aussi pour moi. Étienne Gys. Oui, parce qu'il y a beaucoup de grands mathématiciens qu'on connaît par leurs écrits et les entendre parler... Ce sont des grands moments, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant, oui. Alors on parle ensemble cet après-midi d'Alexandre Grothendieck à l'occasion également d'une situation étonnante autour de ses archives, on l'a dit tout à l'heure, des milliers de pages qui pour l'instant sont bloquées dans une cave à Paris, même si une partie a été récupérée heureusement par l'université de Montpellier, et vous êtes donc avec nous pour en parler. Philippe Dourouf, vous êtes journaliste, c'est vous qui avez signé ce long article dans Le Monde il y a un mois, et vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Alexandre Grothendieck sur les traces du dernier génie des mathématiques, publié chez Alary Éditions. Et puis Étienne Gys, mathématicien, spécialiste des systèmes dynamiques, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et directeur de recherche CNRS à l'École normale supérieure de Lyon. Et les messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. D'abord, un mot sur ce titre de votre livre, Philippe Dourouf, sur les traces du dernier génie des mathématiques. Qu'est-ce qui permet de dire que Grothendieck est le dernier génie des mathématiques? Bon, il faut définir ce que c'est qu'un génie. Un génie est, à mon sens... quelqu'un qui bouleverse à ce point sa discipline, qu'on ne fait plus après comme on faisait avant. Mmh. Alors, des génies, il y en a en danse, Nourrieff est un génie absolu, et il y en a en mathématiques. Lui est arrivé très jeune dans l'école française de mathématiques, il va la bouleverser, il va changer la façon de regarder les choses, les problèmes, et cette matière qu'il reprend, qui est la géométrie algébrique, et oui, à mon sens, c'est un génie au sens où il bouleverse les choses et où il change l'orientation. Après, est-ce que c'est le dernier? À ma connaissance, je n'entends pas parler actuellement d'un génie qui bouleverse les mathématiques. Le problème des sciences en général, c'est qu'il y a un émiettement du savoir qui est tel aujourd'hui. Est-ce qu'il peut émerger un nouveau génie des mathématiques? Je te la parole. Évidemment, Étienne Gys, c'est à vous qu'on a envie de poser la question aussi. Je vais essayer de répondre un peu différemment. Moi, bien sûr, j'ai toujours beaucoup de mal à employer le mot génie, qui me fait très peur. Je n'ai pas envie de voir la science comme étant une succession de génies qui viennent l'un après l'autre et qui bouleversent ce qu'a fait le précédent. Pour moi, la science, ça marche sur un terreau. Il doit y avoir des gens, il doit y avoir une interaction avec un milieu existant. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans le cas de Grothendieck. Donc, Grothendieck, qu'il soit un mathématicien exceptionnel, je veux bien, Philippe, accepter ce mot. Génie est un mot que je pense vraiment, vraiment trop fort. Plus précisément, c'est un mot que je n'aime pas. Quoi. Parce que ça donne une vision de la science qui n'est pas celle que j'aime. J'aime penser à une science collective. Et sans aucun doute, le travail de Grothendieck s'est fait collectivement. Alors les périodes les plus propices et les plus créatives de sa vie, il travaillait dans un groupe exceptionnel. Donc voilà, génie, ça semble indiquer un peu une singularité, quelqu'un qui est tout seul dans son coin et qui fait avancer les choses comme personne n'aurait pu y penser avant. Non. Alors Philippe Dourouf, vous le disiez tout à l'heure, c'était quelqu'un qui a travaillé vraiment collectivement aussi. Alors, il a travaillé très collectivement, c'était un processus de travail très très étonnant, puisqu'il travaillait la nuit. Et là, il travaillait tout seul. Bon, le matin, il livrait entre 15 et 20 pages de mathématiques ce qu'il appelait ses gribouillis. Et là, c'est là que travaille que démarre un travail collectif. Parce que Jean Dieudonné, qui était un grand mathématicien, s'est mis complètement à son service pour rédiger les éléments de géométrie algébrique. Parce que ses étudiants se sont mis dans son sillage et se sont mis à presque à son service en rédigeant ce qu'on appelait les séminaires de géométrie algébrique. Mais là où Étienne a raison, c'est qu'effectivement, il tombe au bon endroit, au bon moment, parce qu'à cette époque, l'école en Allemagne, et toute l'école de mathématiques allemande a été détruite par la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'il faut tomber dans la bonne université et il en est très très loin. En France, il y a un terreau absolument extraordinaire avec une école qui a été préservée par des mathématiciens comme Laurent Schwartz, comme Cartan, comme Dieudonné, et qui a pu se regrouper et résister, si j'ose dire, notamment à Nancy, où va se retrouver Alexandre Grothendieck, et c'est là où il bénéficie d'un terreau qui est absolument extraordinaire à cette époque. Et avec aussi quelques autres mathématiciens exceptionnels. Il faut bien sûr citer Jean-Pierre Serre, qui est aussi exceptionnel peut-être que Grothendieck, et l'interaction est tout à fait passionnante. Bon, en tout cas, à défaut de parler de génie, on parlera de très grands mathématiciens du XXe siècle, ça au moins tout le monde est d'accord là-dessus. Là, on est d'accord là-dessus. Et évidemment, célébré par une médaille Fields aussi en 1966. De même, le mot dernier est aussi une question qu'on peut poser. Moi qui aime bien Poincaré, ça m'énerve quand on dit Poincaré, le dernier universaliste. Bon, c'est le dernier jusqu'au prochain. Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est presque pessimiste de parler de dernier, mais finalement, parce qu'il y a toujours la possibilité que quelque chose émerge. Alors, Philippe dit qu'il n'y en a pas de aujourd'hui. Moi, j'en suis pas si sûr, mais comme j'aime pas trop le concept de génie, j'ai pas envie de dire de non maintenant. Mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas mauvais en ce moment. Bon. Alors, justement, pour illustrer et évoquer cet archive qu'on entendait tout à l'heure de Grothendieck en 72 au CERN de Genève, il y parle de la recherche scientifique. Pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique? C'est la question qu'il pose. Pourquoi est-ce que cette question est intéressante, Étienne Gis, dans la bouche de Grothendieck d'ailleurs en particulier? En même temps, c'est une question fondamentale et en même temps, c'est une question naïve. Il pose ces questions en 1971, alors qu'il a travaillé comme une bête. D'après ce que j'ai compris, il avait une capacité de travail extraordinaire. Il a travaillé comme une bête pendant 15 ans. Et tout à coup, il sort de sa bulle et il dit « Tiens, pourquoi je fais ça ?» Et il a bien raison de la poser, cette question, avec ce côté un peu naïf. Alors bien sûr, tout le monde se la pose, moi le premier, et chacun a ses propres réponses. Donc lui pose des questions, et pour dire la vérité, il ne répond pas vraiment dans cette conférence au CERN. Oui, Philippe Douroux. Non, ce qu'il y a, c'est que nous sommes en 1969, quand il crée Survivre. Survivre et vivre, qui va devenir le premier mouvement d'écologie radicale en France. Et il pose la question qui est posée aux États-Unis par le mouvement industrialiste, qui dit il faut arrêter la recherche scientifique, il faut arrêter la mécanique industrielle dans laquelle nous sommes plongés parce que nous allons vers le pire. Voilà, c'est ça la question. Donc c'est une question qui sort d'un mouvement qui vient des États-Unis, qui l'importe en France, et c'est une question qui aujourd'hui est une évidence. Mais à l'époque, c'était absolument pas une évidence. Alors évidemment, il la pose dans des endroits où ça n'a pas lieu d'être, notamment le Collège de France, où ça revient à un évêque de remettre en cause la Trinité. Donc, ça n'a pas de sens. Mais il le fait, il en est absolument convaincu que nous courons au pire. Donc, il dit, faisons une pause, réfléchissons. Oui. Alors, c'est justement ensuite l'écologie radicale dans laquelle il s'engouffre. Parce que 72, c'est déjà quasiment la fin de son activité mathématique. Oui. Il faut quand même... Non, c'est la fin de son activité mathématique institutionnelle. Oui. Parce que après, par période, il aura encore des activités mathématiques extrêmement riches, mais pas de la même manière. Il publiera beaucoup moins, même peut-être même plus du tout. Mais il aura encore, sans aucun doute, une activité mathématique avec quelques pics assez extraordinaires du côté de 85 ou avec sa théorie des dessins d'enfants, par exemple, qui a été. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qui est intéressant, c'est que après cette période de travail intense et son entrée dans l'écologie politique, il a eu une période d'activité mathématique essentiellement à Montpellier, qui tranche véritablement avec ce qu'il avait fait dans la première partie de sa vie mathématique. Et là, il commence à travailler sur des choses très concrètes. On le voit quand il est professeur à Montpellier, et il fait des cours sur le cube. Et des trucs qui viennent ou faire cours avec du papier, des ciseaux. Donc il arrive à des concepts extrêmement élémentaires dont il extrait des choses fondamentales. Par exemple, il s'intéresse à l'icosaèdre ou au dodécaèdre, et il écrit des choses là-dessus. Donc, il tombe sur des choses très, très, très élémentaires, qui d'ailleurs intéressent les mathématiciens depuis Platon. Hein, l'icosaèdre, le dodécaèdre, c'est pas une nouveauté. Hein. Et alors, sur les dessins d'enfants ? Alors, les dessins d'enfants, c'est une approche de Grothendieck pour comprendre ce qu'on appelle le groupe de Galois universel. C'est le Graal des théoriciens des nombres, c'est l'objet qui contient toute l'arithmétique, en quelque sorte. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler évidemment de géométrie algébrique. Hein, c'est la discipline de Grothendieck. Et ensuite, de ses archives, en ce moment, donc, dans une cave d'une librairie parisienne. Mes souvenirs sont flous et filent sans fin. Chaque horizon, chaque pluie fine me bouleversait et l'air autour vibrait. C'était hier, j'étais un autre. La paix, c'était Barbagallo à l'instant. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, les archives d'Alexandre Grothendieck, le mathématicien. On en parle avec Philippe Douroux, journaliste, et l'auteur de ce livre, Alexandre Grothendieck, chez Alary Éditions, et Étienne Gis, mathématicien. Alors, spécialiste des systèmes dynamiques, hein, Étienne Gis, vous n'êtes pas dans la géométrie algébrique de Grothendieck. On n'est pas du tout dans le même domaine. Mais alors, pour nous qui ne sommes pas mathématiciens, qu'est-ce qui distingue finalement la discipline de Grothendieck de la vôtre? On est complètement dans des univers différents ? Non, pas vraiment, parce que les mathématiques sont tellement uniques qu'on trouve de tout un peu partout. C'est comme les amas de galaxies, c'est finalement. Comme les amas de galaxies qui sont liés par des filaments. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Non, non, il y a des liens, bien entendu, entre la géométrie algébrique et les systèmes dynamiques tels que je les aime. Je pourrais vous en parler si vous voulez, mais ça nous prendrait peut-être un peu du temps. Alors, sur la géométrie algébrique, au moins celle de Grothendieck, pour comprendre exactement quel était son travail là-dessus ? Bon, alors ce qu'on peut dire, c'est que souvent on pense que la science se développe en créant des nouvelles branches, des nouveaux thèmes, qu'un jour on rajoute encore un sujet nouveau. Mais les moments que les mathématiciens préfèrent, ceux qui sont les plus jouissifs, on n'a qu'à dire, ce sont ceux où plusieurs branches qu'on croyait différentes se se reconnectent, se rencontrent pour n'en faire qu'une seule. Alors ces choses apparaissent de temps en temps, malheureusement pas suffisamment souvent. Par exemple, il y a eu la connexion entre la géométrie et l'algèbre. On peut dire que ça se passe à peu près au moment de Descartes. Hein, quand Descartes commence à dire, dans le plan, il y a des coordonnées x, y. Et si on met des x et des y, eh bien, on a algébrisé le plan, on a algébrisé la géométrie. Et vous vous souvenez peut-être qu'à l'école, vous avez appris qu'une droite a une équation qui est y égale ax plus b. Donc là, on peut traiter de la géométrie avec du vocabulaire algébrique. Donc ça, c'est un très grand moment dans l'histoire des maths où il y a connexion entre la géométrie et l'algèbre. Et puis, dans les siècles qui ont suivi, il y a eu encore d'autres connexions, et en particulier avec l'arithmétique, la théorie des nombres. Et ce qu'on peut dire, pour simplifier, pour caricaturer, on peut dire que Grothendieck est l'un des artisans principaux de cette fusion entre ces trois thématiques que sont le nombre, la forme, pour la géométrie, et on peut dire l'algèbre pour la géométrie algébrique arithmétique. Ouais, et voilà. cette convergence-là, elle est absolument unique, essentielle, alors, importante. Elle est fondamentale, puisque tout à coup, on se rend compte que ce qu'on faisait depuis 2000 ans, c'est la même chose. Et d'une certaine manière, il faut insister sur le fait que la contribution majeure de Grothendieck a été de prendre dès le départ la situation la plus générale possible. On part du général et on verra plus tard si certains cas particuliers vont tomber. Beaucoup de mathématiciens, comme moi, pas un modeste mathématicien, moi je préfère partir d'un petit exemple que j'aime bien, regarder comment c'est fait, essayer de voir ce qu'il y a autour et développer quelque chose à partir d'un exemple. Dans le cas de Grothendieck, c'est le contraire. On parle d'une situation la plus générale possible, on développe ceci pour que ça soit le plus naturel. Et quand c'est devenu tellement naturel, les pommes tombent, il n'y a plus qu'à les ramasser. Ouais. Et Philippe Douroux, ça a été compliqué pour vous d'expliquer justement aux lecteurs, parce que ce livre est vraiment très grand public, c'est sa vertu, pour parler de Grothendieck. Oui, mais moi, j'ai pas voulu donner une idée de ce qu'étaient les mathématiques. J'ai travaillé sur des images que j'ai fait valider par des mathématiciens qui me disaient toujours « bon, ça va pas très loin, si tu y crois, vas-y », etc. Maintenant, je pense que je ne peux pas expliquer les mathématiques de Grothendieck, mais je peux donner des images sur sa méthode. Par exemple, j'en donne une dans le livre qui est les mathématiciens travaillent sur un tableau. Il faut les imaginer face à un tableau de Monet qui a représenté la cathédrale de Rouen sous 34 points de vue, heures différentes, etc. Et chacun des spécialistes de chacun des tableaux connaît parfaitement chaque millimètre de chaque tableau et est capable de vous décrire ce que c'est que cet objet mathématique. Bon, la puissance de Grothendieck, c'est de se mettre à 30 mètres, d'en avoir 30 en face, et c'est à ce moment-là que l'on comprend la puissance de son regard et la puissance de son génie, de sa réflexion. C'est-à-dire qu'il dit au fond, c'est la même chose. Voilà, il y a des détails à droite, à gauche, etc. Il y a des éclairages un peu en haut, un peu en bas, etc. Mais au fond, c'est la même chose. En gros, tu dis la même chose que moi, quoi. Absolument. Voilà, tout à fait. Mais avec des mots de journaliste. Ouais. Et donc, c'est un nouveau regard, finalement. Un nouveau regard très général. Ouais. Qui englobe de nombreux regards qui existaient déjà auparavant. Ouais. Et alors, pour les mathématiciens, qu'est-ce que ça change aussi fondamentalement, alors, ce nouveau regard offert par Grothendieck? Alors, tout dépend de savoir ce qu'on veut faire avec les mathématiques. S'il s'agit, par exemple, de résoudre des problèmes précis, par exemple, le problème de Fermat, qui a été une énigme pendant plusieurs siècles, eh bien, on a compris que les méthodes développées par Grothendieck ont permis de démontrer de résoudre ce problème, même si je suis à peu près persuadé que dans la tête de Grothendieck, c'était pas du tout ce qui l'intéressait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de décrire un vaste paysage, le plus esthétique possible, le plus cohérent possible, et je crois qu'il a écrit plusieurs phrases très belles, d'ailleurs, en disant « plus tard, ça donnera des résultats », mais c'était pas du tout son ambition initiale. On va écouter la voix de Luc Illusy, qui est mathématicien lui-même, et qui a été l'élève de Grothendieck, Philippe Douroux. Et qui a participé à la validation du théorème de Fermat. Voilà, et on va l'écouter justement parler de la géométrie de Grothendieck. Grothendieck s'est illustré dans les années 50 par des travaux remarquables en analyse fonctionnelle, mais il s'est vite tourné vers d'autres horizons. L'algèbre homologique et puis la géométrie algébrique. Qu'est-ce que la géométrie algébrique? On pourrait dire d'un mot que c'est l'étude des propriétés arithmétiques et géométriques des objets mathématiques qui sont définis par des équations polynomiales, des polynômes, comme les lycéens en considèrent, avec des coefficients d'un certain type. C'est un sujet très ancien qui remonte aux mathématiciens grecs, Diophante, notamment pour les équations à coefficients entiers, il y a des problèmes très difficiles, dont le problème de Fermat justement, et l'un d'eux qui a été résolu en 1993. Et en fait, Grothendieck a entrepris de renouveler complètement les fondations de cette géométrie algébrique de manière à pouvoir traiter sur un pied d'égalité la topologie, la géométrie et l'arithmétique, de faire de la géométrie sur les entiers, sur les nombres premiers. Voilà, complément de définition. Hein, est-ce que je peux faire une petite remarque à ce sujet? Ce que proposait Etienne Gis, oui, bien sûr. Quand Grothendieck est décédé, un des plus grands géomètres algébristes contemporains, David Mumford, a proposé d'écrire un article dont le but était d'expliquer aux biologistes ce que sont les mathématiques de Grothendieck. C'était à l'invitation de la revue Nature. Et il a fait ce que lui pensait... ce qu'il pouvait faire de mieux pour expliquer les mathématiques de Grothendieck. Et l'article a été refusé par Nature sur l'argument qu'on n'y comprenait rien. Et le pauvre David Mumford a été blessé. Et il a mesuré le fossé qui sépare le monde des mathématiciens, non pas du grand public, ça il le savait, il le connaissait déjà, mais les même le fossé de ses copains du bâtiment d'à côté. Et ça l'a beaucoup perturbé, et il a commencé à dire il serait peut-être temps qu'on s'y mette à travailler un peu, à faire des filaments entre les galaxies et créer des ponts. Et ça, voilà, on l'a bien entendu avec Illusie, qui est quelqu'un de remarquable, mais évidemment... chaque mot qu'il emploie nécessiterait une explication. Une définition en lui-même. Absolument. Philippe Douroux. Non, c'est Claire Voisin qui est à l'Académie des sciences et qui a une très belle expression, je trouve, en parlant du farouche silence des mathématiciens. Par rapport pour à la complexité. Pour définir l'incapacité dans laquelle ils se trouvent à expliquer leur travail. Et ce travail sur la géométrie algébrique de Grothendieck, ça donne lieu à une médaille Fields en 66, avec une relation très ambiguë d'ailleurs à la récompense de la part de Grothendieck. Il refuse d'aller la chercher parce que le congrès se déroule cette année à Moscou et qu'il refuse de se rendre chez les soviets qui ont pourchassé son père, qui lui était anarchiste ukrainien. Et donc il refuse d'aller à Moscou chercher cette médaille Fields qu'il accepte. Il accepte. Il en fera don à la République démocratique du Vietnam l'année suivante. Pour quelle raison ? Parce que il leur monte un voyage en novembre 1967 dans Hanoï qui est en guerre par solidarité avec l'école vietnamienne de mathématiques, et d'ailleurs c'est un voyage qui est financé par le ministère de la Recherche, cofinancé par le ministère de la Recherche, et il fait don à cette école de sa médaille Fields. De la médaille ou de la médaille. Ou du chèque ? Le chèque sans doute aussi, parce que ça je ne sais pas, mais le chèque n'est pas très élevé. Ouais. Mais non, le chèque il l'a consacré à l'achat d'un terrain pour un ami près de Toulouse. Voilà, pour avoir exactement qui voulait fonder une école. Tous les détails. Pour information, le chèque c'est pas beaucoup, c'est 10 000 dollars canadiens. Ouais. Pour la médaille Fields. Ouais. Et il a acheté des terrains pour monter une école agricole. Voilà, c'est l'équivalent d'un prix Nobel en mathématiques, mais c'est largement moins doté évidemment qu'un prix Nobel. Grothendieck, on en parle cet après-midi et on évoque les archives dans un instant. On you, it's hard, I know. I Time. Extrait de son dernier album, c'était la voix de Norah Jones. La tête au carré. Il était assez, fâché de n'avoir pas été compris, d'avoir quitté le devant de la scène mathématique en 1970 pour des raisons, essentiellement des raisons politiques. Mmh. Hein, donc ses collègues n'ont pas compris qu'ils nous disent « Ah, mais maintenant, la priorité n'est pas de faire des mathématiques, c'est de s'occuper de l'écologie. » Et petit à petit, il en est venu à examiner plus en détail ce que les collègues avaient fait. Il n'était pas content, pensant qu'on n'avait pas développé ses idées comme il fallait ou qu'il avait été mal cité. Donc il est devenu de plus en plus amer et il s'est retiré, en quelque sorte, de la communauté mathématique avec laquelle il avait finalement rompu les ponts. Mais l'image que je garde de lui, c'est celle des années 60. C'était toute différente. C'était quelqu'un d'extrêmement gentil, très disponible pour ses élèves, qui s'en occupait avec une minutie et un soin extraordinaire. Voilà, le mathématicien Lucky Luzzi, c'était dans La Tête au Carré en 2014, quelques jours après l'annonce du décès donc d'Alexandre Grothendieck. Philippe Douroux, journaliste, Étienne Gis, mathématicien, sont mes invités pour évoquer maintenant les archives de Grothendieck. Philippe Douroux, juste un mot sur son enseignement, parce qu'il s'est passé à Montpellier principalement. Alors, l'enseignement, il a été élève à Montpellier, il a eu une licence de mathématiques au rattrapage, puisqu'il a dû repasser... une épreuve. Je peux te couper une seconde. L'épreuve qu'il a ratée, c'est assez symptomatique. C'est l'épreuve d'astronomie. Absolument. Il se trompe dans des calculs. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Beaucoup de mathématiciens sont fascinés par l'astronomie. Mais c'est pas le cas de Grothendieck. Et je pense que ça explique un peu la vision mathématique qu'il a, qui est assez déconnectée du monde réel. Et il n'ira même pas chercher son diplôme. Ouais. Mais c'est là où il est repéré, entre guillemets, par un prof qui dit « ce type est quand même assez étonnant, assez extraordinaire ». Donc il l'envoie à Élie Cartan, qui le renvoie à son fils à l'École normale supérieure de Paris. Il suivra pendant 2 ans des cours au Collège de France et puis à Normale Sup. Et c'est là où il est envoyé aussi à Nancy. Il devient, il est pris en main par Laurent Schwartz et Jean Dieudonné qui lui expliquent qu'il ne faut pas refaire ce qui a déjà été fait. Ouais. Et c'est là qu'il devient le mathématicien qu'il prend de l'ampleur. On pense qu'en 3 ans, il a fait l'équivalent de 6 thèses de mathématiques. Après son enseignement se résoudra à des séminaires à Orsay, à l'IHES, à Bure-sur-Yvette. Et là vient qui veut. Et il a une dizaine d'élèves qui vont le suivre pendant 20 ans. Alors, dans cet article que vous vous avez publié dans Le Monde il y a à peu près un mois, Philippe Douroux, vous parlez donc de ces archives, plus de 100 000 pages, 28 000 pages qui sont à l'Institut Montpelliérain Alexandre Grothendieck, hein, de l'Université de Montpellier, et puis ces 70 000 autres pages d'archives qui, pour le moment, donc, sont dans la cave d'un libraire, qu'on peut d'ailleurs citer. Hein. Oui, c'est Jean-Bernard Gillot qui... Qui est une librairie extraordinaire à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, spécialisée dans les sciences, justement. Absolument. Et alors, il a eu un coup de fil un jour des enfants de Grothendieck lui disant, c'était voilà, on a ces archives, venez, parce qu'on voudrait les faire évaluer. C'est comme ça que ça s'est passé ? Exactement. Ouais. Exactement, c'est qu'il faut faire une partie de ces archives doivent aller à la BNF, mais la BNF ne peut pas en prendre possession tant qu'un prix n'a pas été fixé. 6 ans, elle risque de léser les enfants, et la loi française interdit de déshériter ses enfants, pour faire très court. Donc, nous sommes dans l'attente d'un prix, combien ça vaut, et tant qu'on n'a pas ce prix, ben, le don à la BNF ne peut pas se faire, ou l'achat par la BNF ne peut pas se faire. Donc on est dans une situation un peu ubuesque, un peu ridicule. Donc là, les 70 000 pages d'archives se trouvent dans des cartons, dans des malles, hein, au sous-sol de cette librairie. Absolument. Et on attend que quelque chose se passe. Oui, on attend que quelque chose se passe. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative. Mais ça a été déjà fait à Montpellier, c'est ça qui est un peu étonnant. C'est que les 28 000 pages, moi la première fois que je vois ces 28 000 pages, elles se trouvent dans des cartons dont personne n'a rien à faire. Elles sont dans un cagibi. Il y a une personne qui s'en occupe, c'est Luc Gomel. Parce que voilà, l'université ne porte aucun intérêt à ces archives. En France, on se fout des archives scientifiques. Enfin, les sciences en tant que n'intéressent pas grand monde en tant que quand on parle des archives. Et donc, ça n'intéresse personne. Bon, il a fallu le travail de Jean-Michel Marin, qui est le directeur du département de mathématiques, pour que ces 28 000 pages soient placées dans un endroit où on peut les conserver, qu'elles soient archivées, c'est-à-dire qu'on sache ce qu'il y a dedans, page par page, scannées en haute définition, et mises à la disposition du grand public, enfin du public aussi large que possible, c'est-à-dire il y a aussi des lettres qui sont aussi des mathématiques. Mm-hmm. Et là, il s'agit de faire la même chose avec les 70 000 pages de Paris. Alors, Étienne Gis, quel est votre regard, vous, sur ces archives ? Vous les avez vues, vous êtes descendu dans le sous-sol de cette cave. Je les ai entrevues. Entrevues, voilà, bon, c'est 70 000 pages. C'est ça, bien sûr. Par ailleurs, il faut rappeler que Grothendieck avait une écriture absolument abominable, c'est impossible de lire ce qu'il écrivait, donc il faut être vraiment spécialiste pour lire ces lettres. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'héritage scientifique, les papiers qu'on voit après le décès des scientifiques, c'est une longue histoire. Il y a plein de situations très différentes. Hein. Je pense à Whitehead, le mathématicien, qui avait demandé à sa femme de tout brûler avant sa mort. Ou si on pense à un autre exemple qui est assez proche finalement de Grothendieck, c'est Newton. Newton aussi s'intéressait à plein de choses. Il était aussi intéressé par la théologie, par la cabale, par l'alchimie, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Et l'histoire des manuscrits de Newton est tout aussi complexe. Mm-hmm. Donc chaque scientifique amène à des histoires variées et différentes. Ouais. Dans le cas présent des archives de Grothendieck, moi, mon sentiment, c'est que j'y connais absolument rien en question juridique. Si on pouvait scanner tout ça, je serais très heureux. Mm-hmm. Maintenant, la question de la valeur en euros, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon sujet. Quoi. Au-delà de la valeur en euros, la valeur intrinsèque, tout simplement. Bah, pour avoir une valeur intrinsèque, il faudrait d'abord les voir. Donc la première chose dont je me réjouirais, c'est qu'on les scanne et qu'on les mette à la disposition du public. Philippe Douroux. Non, mais l'opinion en général des mathématiciens, et celle d'Étienne, c'est de dire, bon, mathématiquement, il n'y a sans doute pas de grandes révélations. Peut-être n'y a-t-il pas de grandes révélations. Un seul mathématicien a eu 2 jours pour voir ses feuilles. Il dit que dans les 4500 premières pages, il y a des mathématiques classiques. Donc, regardons. Mmh. Après, il y a une espèce d'observation ou de reconstruction de l'univers dont on peut douter qu'elle puisse se fonder sur un monsieur qui, dans les Pyrénées, est complètement retiré, n'a pas une calculette et pas un ordinateur. Et après, il y a quelque chose d'extrêmement humain, c'est-à-dire, c'est le délitement des plus grandes intelligences du XXe siècle qui aboutit à quelque chose d'extrêmement émouvant. Voilà. Il a écrit toute sa vie, toutes les nuits, jusqu'au 27 octobre 2014, c'est-à-dire quelques semaines avant sa mort. C'est un paysage absolument extraordinaire du délitement d'un cerveau. Je crois que le mot que tu viens d'employer, émouvant, résume toute la conversation. C'est très émouvant, en effet. Est-ce que l'Académie des sciences pourrait s'intéresser à ces archives ou c'est pas son rôle? Ça pourrait être son rôle s'il y avait les moyens financiers pour le faire. Et là, je n'ai vraiment aucune idée. Je n'ai aucune idée de la valeur monétaire de ces pages. À suivre donc, hein, véritable trésor ou vieux papier, c'est ce que vous dites dans cet article du Monde qu'on peut retrouver d'ailleurs sur lemonde.fr, parce qu'il est passionnant à lire. Et puis ce livre, en attendant, Alexandre Tandig, sur les traces du dernier génie des mathématiques que vous signez, Philippe Douroux, chez Alary Édition. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Étienne Gis. Merci. À bientôt. Merci à Elisabeth Collet.